Guillaume, tu nous emmènes où ? Direction Cluses, oui, nous allons à Cluses avec à l'occasion d'Octobre Rose, l'entraide internationale des scouts de la région de Cluses qui vous donne rendez-vous pour 4 dimanches exceptionnels placés sous le signe de la convivialité, des découvertes et des bonnes affaires. Ce sont donc les 5, 12, 19 et 26 octobre de 9h à 17h30 au 2204 avenue des Glières à Cluses. Chaque dimanche est l'occasion de venir dénicher de belles trouvailles, objets uniques, sélections originales et opportunités à ne pas manquer. Vous pourrez profiter d'une restauration et d'une buvette sur place. Ils vous attendent donc nombreux pour profiter de ces belles journées. C'est donc aujourd'hui, c'est à l'occasion du mois Octobre Rose, donc de 9h à 17h30 à l'entraide des scouts de Cluses. Autre rendez-vous à ne pas louper dans les Pays de Savoie à Annecy. Si vous nous écoutez en DAB+, dans le bassin annécien, il y a un bel événement qui se poursuit aujourd'hui. Les Dragon Boats qui sont de retour sur le lac d'Annecy pour le festival Dragon Boat avec pour thème cette année les cultures du monde. Rendez-vous sur la plage des Marquisas pour 2 jours de sport et de fête dans une ambiance musicale et décalée. Venez assister aux différentes courses prévues sur le week-end, courses longues, courses à l'australienne et sprint, buvette et petite restauration sur place, et surtout il y a également la tartiflette géante. Enfin bref, c'est un bon moment de convivialité que vous allez pouvoir profiter autour du sport. Et ce sont donc les Dragon Boats, ce sont des bateaux, donc une course de bateaux sur le lac d'Annecy. C'est très sympa, c'est aux plages des Marquisas. Donc aujourd'hui, je souhaite de très bonnes sorties dans les Pays de Savoie, un très bon week-end à nos côtés.